Leçon 13, semaine du 18 au 24 juin. Israël en Égypte. Samedi après-midi, texte à mémoriser. Israël s'installe en Égypte, au pays de Goshen. Ils y furent propriétaires. Ils furent féconds, ils se multiplièrent. Genèse 47 au verset 27. Genèse rapporte les dernières années de Jacob et de Joseph réunis. Nous voyons Jacob, Israël, quitter Canaan, Genèse 46, pour s'installer en Égypte, Genèse 47, et y mourir, Genèse 49, verset 29 à 50, verset 21. Et cependant, même dans ce cadre égyptien, la perspective de la terre promise plane toujours en arrière-plan, Genèse 50, verset 22 à 26. Dès que Jacob arrive en Égypte, il bénit le pharaon, Genèse 47, au verset 7 à 10, accomplissant ainsi, partiellement bien entendu, la promesse abrahamique de devenir une bénédiction pour les nations. Genèse 12 au verset 3. Plus tard, Jacob, sur le point de mourir, bénit les fils de Joseph. Genèse 48. Jacob bénit également ses propres fils. Genèse 49 verset 1 à 28 et fait d'impressionnantes prédictions sur chacun d'eux dans le cadre des 12 futures tribus d'Israël. Genèse 49 au verset 1 à 27. Cependant, le fait qu'Israël s'installe en exil en Égypte en qualité d'étranger est mis en tension avec l'espoir de la terre promise. Et bien que le livre de la Genèse lui-même se termine avec les enfants d'Israël en Égypte, une partie des dernières paroles de Joseph renvoie à un autre endroit. « Je vais mourir. » Mais Dieu interviendra en votre faveur. Il vous fera monter de ce pays-ci vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Genèse 50 au verset 24. Dimanche 19 juin, Jacob va à la rencontre de Joseph. Lisez Genèse 46. Quelle est la signification du départ de Jacob de Canaan? Quand Jacob quitte Canaan, il est plein d'espoir, l'assurance qu'il n'aura plus faim et la bonne nouvelle que Joseph est vivant ont dû lui donner l'élan nécessaire pour quitter la terre promise. Le départ de Jacob fait écho à l'expérience d'Abraham, bien que dans le cas d'Abraham, il s'agissait de se rendre en terre promise et non d'en partir. Jacob entend la même promesse qu'Abraham avait entendue de Dieu, à savoir qu'il ferait de lui une grande nation. Genèse 46, verset 3, voire Genèse 12 au verset 2. L'appel de Dieu rappelle également l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dans les deux cas, Dieu emploie les mêmes termes rassurants. N'aie pas peur. Genèse 46 au verset 3, Genèse 15 au verset 1, qui porte la promesse d'un avenir glorieux. La liste exhaustive des noms des enfants d'Israël qui se rendirent en Égypte, y compris ses filles, Genèse 46, verset 7, rappelle la promesse divine de fertilité faite à Abraham alors même qu'il était sans enfant. Le nombre 70, dont fait partie Jacob, Joseph et ses deux fils, exprime l'idée de totalité. C'est tout Israël qui va en Égypte. Il est également significatif que le nombre 70 correspond au nombre de nations, selon Genèse 10, ce qui indique que le destin de toutes les nations est également en jeu dans le voyage de Jacob. Ce n'est que des nombreuses années plus tard que cette vérité devient plus évidente après la croix et la révélation plus complète du plan du salut, qui bien entendu est destiné à toute l'humanité, partout, et pas seulement aux enfants d'Abraham. En d'autres termes, aussi intéressantes que soient les histoires concernant cette famille, la descendance d'Abraham, et quelles que soient les leçons spirituelles que l'on peut en tirer, ces récits sont dans la parole de Dieu parce qu'ils font partie de l'histoire du salut. Ils font partie du plan de Dieu pour apporter la rédemption au plus grand nombre possible sur cette planète déchue. Il n'y a pas de distinction en effet entre juifs et grecs, ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, versets 12 et 13. Que dit Paul ici qui montre l'universalité de l'Évangile? Plus important encore, que nous disent ces paroles sur ce qu'en tant qu'Église, nous devrions faire pour contribuer à diffuser l'Évangile. Lundi 20 juin, Jacob s'installe en Égypte. Il est très intéressant de voir comment, malgré tout ce qu'on avait dit à Jacob sur le fait que Joseph était vivant en Égypte, le Seigneur lui est quand même parlé dans des visions nocturnes. Genèse 46 au verset 2, dans lesquelles il lui ordonne de partir. Jacob quitte le pays de la promesse pour l'Égypte, qui parmi tous les endroits possibles sera plus tard au seul endroit où le peuple de Dieu ne veut surtout pas aller. Deutéronome 17 au verset 16. Lisez Genèse 47. Quelle vérité, principe spirituel, trouve-t-on dans ce récit? Joseph prit 5 de ses frères pour le présenter au Pharaon et recevoir de lui le territoire où ils allaient établir leur résidence. Dans cette gratitude envers son premier ministre, le monarque se proposait d'offrir à ses frères quelques charges dans le gouvernement. Mais, fidèle au culte de Dieu, Joseph voulut leur épargner les tentations auxquelles ils auraient été exposés dans une cour païenne. Il leur conseilla d'avouer franchement leur occupation au roi. Ils suivirent ce conseil et eurent soin d'ajouter qu'ils n'étaient venus dans ce pays qu'en séjour et non à demeure, se réservant ainsi le droit d'en repartir quand ils voudraient. En conséquence, maintenant son offre, le pharaon lui assigna comme territoire le meilleur de tout le pays d'Égypte, à savoir la terre de Goshen. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 210 à 211. Le pharaon fait aussi preuve de sagesse en n'encourageant pas ses résidents temporaires à devenir des mendiants vivant aux frais de la princesse. Il se renseigne sur leurs activités, Genèse 47 au verset 3, afin qu'ils puissent s'adapter au mieux à leur nouvel environnement. Il a également hâte de se servir de leur expertise et indique même qu'ils pourraient être responsables de ses propres troupeaux, Genèse 47 au verset 6. Puis, bien que Joseph, l'étranger, soit l'inférieur, l'immigré, il se tient devant le dirigeant du pays et, comme le dit le texte, Jacob bénit le pharaon, Genèse 47 au verset 7. Lui, l'humble, l'étranger, qui bénit le pharaon, le chef, le puissant d'Égypte. Mais pourquoi donc? Le verbe Amad Lifni le présenta à, Genèse 47 au verset 7 dans la version Osterwald, est normalement utilisé dans les contextes sacerdotaux, Lévitique 14 au verset 11. Si l'on considère que dans l'Égypte antique, le pharaon avait le statut de prêtre le plus élevé, cela signifie que, dans un sens spirituel, Jacob se situe au-dessus du prêtre le plus élevé d'Égypte, plus élevé même que le pharaon lui-même. Quelle que soit notre situation dans la vie, que devrait signifier pour nous, dans la manière dont nous traitons autrui, que nous sommes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi, 1 Pierre 2 au verset 9. De quelles obligations notre foi nous charge-t-elle? Mardi 21 juin, Jacob bénit les fils de Joseph. Alors que Jacob sent que sa dernière heure est bientôt arrivée, il se souvient de son retour à Bethel, Genèse 35, versets 1 à 15. Quand il avait reçu de Dieu la promesse renouvelée de la propriété perpétuelle, Genèse 48, verset 4, qui avait été donnée à Abraham, Genèse 17, au verset 8. L'idée de la terre promise est par conséquent une idée réconfortante qui nourrit son espérance alors qu'il sent la mort arriver. Jacob se tourne ensuite vers les deux fils de Joseph qui sont nés en Égypte et les bénit, mais il le fait dans le contexte de la promesse future concernant sa propre descendance. Lisez Genèse 48. Pourquoi Jacob bénit-il les deux fils de Joseph ici et pas ses autres petits-fils? Les deux petits-fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, sont les seuls petits-fils à être bénis par Jacob. Ils sont ainsi élevés de statut de petits-fils au statut de fils. Genèse 48 au verset 5. Bien que la bénédiction de Jacob implique une prééminence du second Éphraïm, sur le premier, Manassé, la bénédiction de Jacob concerne essentiellement Joseph. Genèse 48 au verset 15. Ce que l'on voit ici, c'est un témoignage personnel de la fidélité de Dieu envers eux, par le passé et sa promesse pour eux, pour l'avenir. Jacob fait référence au Dieu d'Abraham et d'Isaac, Genèse 48 au verset 15, qui leur avait assuré nourriture et protection. C'est le même Dieu qui m'a redimé de tout mal. Genèse 48 au verset 16. Jacob pense également au Dieu de Bethel, Genèse 31 au verset 13, avec lequel il a lutté, Genèse 32 au verset 29, et qui a changé son nom en Israël, Genèse 32 au verset 26 à 29. En faisant référence à toutes ces expériences où Dieu change le mal en bien, non seulement Jacob exprime son espoir de Dieu qui prend soin des vies présentes de ses petits-fils, tout comme il l'a fait pour lui et Joseph, mais il pense aussi à l'avenir quand ses descendants retourneront en Canaan. Cette espérance est claire dans sa référence à Sichem, Genèse 48 au verset 22, qui est non seulement un terrain qu'il avait acquis, Genèse 33 verset 19, mais aussi l'endroit où les ossements de Joseph seront enterrés, Josué 24 verset 32, et où le pays sera distribué aux tribus d'Israël, Josué 24 au verset 1. Même avec tout ce qui s'est passé, Jacob a gardé en tête la promesse de Dieu qui a dit qu'à travers sa famille, toutes les familles de la terre seront bénies. Voir Genèse 12 au verset 3 dans la seconde 21. Lisez Acte 3 au verset 25 et 26. Selon Pierre, de quelle manière la promesse de Genèse 12 verset 3 s'accomplit-elle? Comment avons-nous personnellement reçu cette promesse? Mercredi 22 juin, Jacob bénit ses fils. Lisez Genèse 49 au verset 1 à 28. Quelle est la signification spirituelle de la bénédiction de Jacob sur ses fils? Au-delà des promesses concernant l'histoire immédiate des tribus d'Israël, Jacob voit le Messie et l'espoir suprême du salut. Cette espérance est déjà indiquée dans les paroles d'introduction de Jacob avec l'expression « dans la suite des temps », Genèse 49, verset 1, expression qui fait référence à la venue du roi messianique, Ésaïe 2 au verset 2, Daniel 10 au verset 14. Le texte passe ensuite en revue la future lignée de chacun de ces hommes. Il ne s'agit pas de prédestination comme si Dieu voulait que chacun d'eux affronte ce qu'il doit affronter. Ce sont plutôt des expressions de ce que le caractère de leurs enfants entraînerait. Par exemple, le fait que Dieu sache que quelqu'un tuerait un homme innocent et l'idée que Dieu ait voulu que le tueur agisse sont deux choses tout à fait différentes. Lisez Genèse 49, versets 8 à 12. Quelle prophétie est donnée ici et pourquoi est-elle importante? Par-delà le libre arbitre des humains, Dieu connaît l'avenir et il avait fait en sorte que ce soit à travers Judas que le Messie vienne. Judas, Genèse 49, versets 8 à 12, qui est représenté, je reprends Judas, Genèse 49, versets 8 à 12, qui est représenté par un lion, Genèse 49, verset 9, renvoie à la royauté et à la louange. Judas produira le roi David, mais aussi Shiloh, c'est-à-dire celui qui apportera Shalom, la paix. Ésaïe 9, versets 6 et 7, à qui le peuple obéiront. Genèse 49, au verset 10. Les Juifs voient depuis longtemps ce texte comme une prophétie renvoyant au Messie à venir et les chrétiens considèrent également ce passage comme renvoyant à Jésus. L'expression « à lui appartiennent l'assemblée des peuples » Genèse 49, verset 10 dans la version Martin préfigure peut-être la promesse néo-testamentaire pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Philippiens 2, verset 10. Comme l'a écrit Ellen White, le roi des animaux est un symbole très approprié pour désigner cette tribu d'où sortirent David et le Shiloh, le fils de David, lion de la tribu de Judas, devant lequel un jour toutes les puissances et tous les peuples s'inclineront en lui rendant hommage. Patriarche et prophète, page 214. Pourquoi devons-nous rendre hommage à Jésus dès maintenant, avant que les nations ne le fassent? Jeudi 23 juin, l'espérance de la terre promise. Lisez Genèse 49, versets 29 à 51. Quels grands thèmes d'espérance sont présentés dans la conclusion du livre de la Genèse? La conclusion du livre de Genèse est composée de trois événements qui sont pleins d'espoir. D'abord, c'est l'espérance qu'Israël retournera en terre promise. Moïse, l'auteur de la Genèse, décrit la mort et l'ensevelissement de Jacob et de Joseph comme des événements renvoyant à la terre promise. Juste après sa bénédiction et sa prophétie sur les 12 tribus d'Israël, Genèse 49, verset 28, Jacob pense à sa mort et demande à ses fils de l'enterrer en Canaan, dans la grotte de Macpéla, là où Sarah a été enterrée. Genèse 49, verset 29 à 31. Le récit, reprenant la procession funèbre vers Canaan, devient annonciateur de l'Exode plusieurs siècles après. Deuxièmement, c'est l'espérance que Dieu changera le mal en bien. Après la mort et l'ensevelissement de Jacob, les frères de Joseph s'inquiétèrent pour leur avenir. Ils craignent que Joseph ne prenne sa revanche. Ils viennent le voir et se prosternent devant lui, prêts à devenir ses esclaves. Genèse 50 au verset 10, scénario qui rappelle les rêves prophétiques de Joseph. Joseph les rassure et leur dit de ne pas avoir peur. Genèse 50 au verset 19, expression qui fait référence à l'avenir. Genèse 15 au verset 1, car le mal qu'il comptait lui faire, Dieu comptait en faire du bien. Genèse 50 au verset 20, et a changé le cours des événements en direction du salut. Genèse 50, versets 19 à 21, voir Genèse 45 au verset 5, 7 à 9. C'est-à-dire que malgré tous ces échecs de la part des humains, la providence de Dieu l'emportera. Troisièmement, c'est l'espérance que Dieu sauvera l'humanité déchue. L'histoire de la mort de Joseph, dans ce dernier verset du livre de la Genèse, va au-delà de la simple mort de Joseph. Chose étrange, Joseph ne demande pas à ce que ses ossements soient ensevelis. Il renvoie à l'époque où Dieu interviendra en leur faveur. Vous emporterez d'ici mes ossements. Genèse 50 au verset 25. Ce qu'ils furent des années plus tard en obéissance directe à ses paroles. Exode 13 au verset 19. En définitive, l'espérance de la terre promise. Canaan est un symbole, un précurseur de l'espérance ultime du salut, de la restauration et d'une nouvelle Jérusalem dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, une espérance ultime à tous, une espérance rendue certaine par la mort de Shiloh. Lisez Apocalypse 21 au verset 1 à 4. En quoi ces versets représentent-ils l'espérance la plus grandiose que nous avons? Sans cette promesse, quel espoir avons-nous à part la mort comme fin de tous nos problèmes? Vendredi 24 juin, pour aller plus loin, lire Ellen White, Joseph et ses frères, dans Patriarches et prophètes, pages 201 à 218. La vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Par envie, ses frères l'avaient vendu comme esclave. Ils voulaient ainsi l'empêcher de devenir plus grand qu'eux. Aussi, quand ils l'eurent exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la pensée qu'ils n'auraient plus rien à craindre de ses songes. Mais Dieu dirigea les événements de manière à réaliser précisément ce qu'ils avaient voulu prévenir. De même, les prêtres et les principaux juifs, jaloux de Jésus et craignant qu'il n'obtînt la faveur qu'ils briguaient pour eux-mêmes, le mirent à mort pour l'empêcher de devenir roi. Mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat. Sans doute, grâce à son séjour en Égypte, Joseph était devenu un sauveur pour la famille de son père. Toutefois, cela ne diminua point la culpabilité de ses frères. De même, la crucifixion de Jésus fit de lui le rédempteur de l'humanité, le sauveur d'une race perdue, le souverain du monde. Mais le crime de ses meurtriers reste tout aussi odieux que si le Père céleste ne l'avait pas fait concourir à sa gloire et au bien des rachetés. Comme Joseph fut vendu par ses frères, Jésus-Christ fut, par l'un de ses disciples, vendu à ses plus mortels ennemis. Joseph, à cause de sa pureté même, fut calomnié et jeté en prison. Ainsi Jésus, en raison de sa vie sainte et désintéressée, qui, à elle seule, condamnait le péché, fut méprisée et rejetée, puis condamnée sous le témoignage de faux témoins. Enfin, la patience et la douceur de Joseph devant l'injustice et l'oppression, son empressement à pardonner et sa noble générosité envers ses frères dénaturés préfiguraient le silence et la générosité avec lesquels le Sauveur supporta la brutalité et les outrages des impies, comme aussi le pardon qu'il accorda à ses meurtriers et qu'il offre encore à tous ceux qui viennent à lui, confessant leurs péchés et implorant sa miséricorde. Ellen White, Patriarche et prophète, pages 217 à 218. Après sa mort, les fils de Joseph craignaient que Joseph ne se venge d'eux. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la culpabilité qu'il ressentait toujours ? Que nous apprend la réaction de Joseph sur le pardon pour le coupable ? Quels autres parallèles trouvez-vous entre la vie de Joseph et celle de Jésus ? Méditez sur le fait que, bien que Dieu connaisse parfaitement l'avenir, nous sommes tout de même libres dans les choix que nous faisons. Comment réconcilier ces deux idées ?